ça sou la terre. Gen sa ki riche, gen sa ki pauvre. Tandis que nous tous ces petits et bon Dieu, pour qui ça gen la différence. Le yon moun malé. La vie a prouvé que l'argent pas fait bonheur. Ambition, cause en pile. Séparation dans la vie, c'est pas dans ses grâces. Y'a pas des pouces à retourner. vie a prouvé.